un brouillon, enfin des notes prises par un producteur au cours d'une réunion, et on voit comment ils hésitent en fait entre les qualités à valoriser. Est-ce qu'on va faire une pomme de terre de montagne? Est-ce qu'on va insister sur des qualités gustatives en disant par exemple qu'elle absorbe moins la graisse? Est-ce qu'on va la vendre comme un produit d'altitude en jouant sur le fait que ça rappelle des vacances? Est-ce qu'on va jouer sur le bon air frais de la montagne, vous voyez, pays rude, sain, ou le caractère de travail qui a été dur pour obtenir ce produit, on va rémunérer le petit producteur. Enfin, sur quel registre on joue? On voit toutes les hésitations lors de la réunion pour constituer ce produit de qualité. Et on le retrouve aussi dans les noms. Je regrette que le slogan n'ait pas été retenu, la pomme de terre qui n'a pas froid aux yeux, parce que je trouvais ça quand même assez drôle. On voit un peu toutes les hésitations sur la qualité, puis en se demandant du coup qu'est-ce qui plaira le plus aux consommateurs d'aujourd'hui, quelles sont les qualités recherchées aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une série de qualités différentes finalement.